roman, bande dessinée, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi maintenant? Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller vous coucher, ou demain, à n'importe quelle heure de la journée. Le point commun entre les slits, la fin de vie à domicile et un tampon avec des insultes en croate, aucun à part qu'on en parle ce soir sur Radio Dio. C'est parti. Il y a 2 semaines, pour la première émission, pour ceux qui ont écouté, le premier livre dont je vous ai parlé, c'est la biographie de Marky Smith, le chanteur du groupe punk The Fall. Donc pour cette seconde émission, je vais faire beaucoup plus original, puisque je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « De fringues, de musique et de mecs », qui est la biographie de Viv Albertine, la guitariste des Slits, un groupe punk. On change pas, une équipe qui gagne. En fait, je crois que je peux le dire, je suis assez fasciné par le punk et par les biographies. Je ne vous parlerai pas de celle de John Lydon, le chanteur des Sex Pistols, qui est loin d'être un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que j'aime bien lire les biographies des groupes que j'aime bien, et là, j'en tiens une des meilleures que j'ai lues à mon sens. En dehors du punk, il y a aussi un autre truc que j'aime bien, et qui va sûrement revenir dans ces émissions, et qui est un peu dur à expliquer, mais que je vais quand même essayer d'expliquer pour le coup. Ce sont les livres écrits par les femmes qui abordent les choses de leur point de vue. Ces livres dans lesquels les femmes ne sont pas juste là pour faire joli, un peu comme ceux de Virginie Despentes. Sans parler de féminisme, on s'en rapproche quand même grandement et j'arrive pas à l'exprimer différemment. Et pour le coup, ce livre de Viv Albertine, qui m'a bouleversé, qui a un peu changé ma vie, pour le coup cet été quand je l'ai lu, et ben ce livre il regroupe un peu tout ça. Alors, c'est une biographie, donc Viv Albertine, elle se raconte dans ce livre. Son enfance, sa découverte des garçons, le punk, et puis après le punk, parce que le punk c'est bien, mais il y a une vie après. Le livre s'organise en gros en 3 parties. Son enfance, son adolescence, avec le punk justement, et puis après quoi. La première partie, c'est la moins réussie, parce qu'on sent que c'est son premier livre, et puis elle n'arrive pas encore à trouver le bon ton. Les chapitres sont un peu courts, elle fait un peu de provoque, mais c'est pas forcément super abouti, et puis en fait ça va pas très loin. Mais assez vite, elle trouve le bon ton, et là on entre pour le coup de plein pied dans la période punk. Alors croyez-moi, comme je vous expliquais au début de l'émission, des livres sur cette période, j'en ai lu pas mal. De la bio de Didi Ramones, le bassiste des Ramones, à England's Dreaming de John Savage, en passant par la biographie de Lemmy, qui l'évoque aussi pleinement. Et ben, pour quelqu'un qui connaît un peu la période, vraiment, c'est du pain béni. Un des premiers amours de Viv Albertine, c'est Mick Jones, le guitariste des Clash, qui, en plus d'être le guitariste d'un groupe qui est quand même assez important, est fidèle en amitié et romantique. Et ça, c'est pas dans les autres livres qu'on en parle. Et chose importante pour moi, c'est la première fois que je lis un livre qui parle avec tendresse et surtout bienveillance de Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols qui s'est suicidé, enfin qui est mort dans sa chambre d'hôtel suite au meurtre de sa femme, qui est quasiment systématiquement présenté comme un crétin fini dans tous les livres qui parlent du punk. Et là, le fait qu'elle en parle avec gentillesse, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, parce qu'on arrive mieux à cerner le personnage. Mais en dehors de tout ça, la force du livre, et la force de Viv Albertine, c'est comment... C'est sa personnalité et comment elle explique comment elle va réaliser son rêve de faire de la musique alors qu'elle n'est pas du tout musicienne, qu'elle n'a jamais trempé dedans, qu'elle est juste comment elle va décider de se lancer dans la musique et de créer un des groupes les plus novateurs et intéressants du punk et du punk rock et du rock tout court. Et surtout comment elle va vivre avec tout ça quoi. Et en fait, j'ai un peu de mal à l'expliquer. parce que tellement j'ai trouvé ça fort. Donc elle va se prendre en main pour devenir cette guitariste, et ensuite, eh ben, en fait, elle va vivre comme ça tout ce qu'il y a après. Elle va avoir des enfants, se marier, divorcer, rebondir, etc. Et c'est presque aussi passionnant que de lire des trucs sur le punk. Enfin, pour moi en tout cas. Et puis c'est surtout un peu plus sympa que de lire une suite d'albums. Oh, on a enregistré cet album, et ben après on a enregistré cet album, et après on a enregistré cet album. Pour moi, la vie est quand même beaucoup plus riche que juste ça, quoi. Donc je vais pas vous faire la liste de tout ce que je trouve trop fort dans ce livre, parce que en fait j'ai qu'une demi-heure, même si j'ai commencé en retard, et que je veux pas tout vous raconter. Parce que perso, en plus, j'aime pas qu'on me raconte les livres. Il faut que vous le lisiez, voilà, c'est tout, c'est important. Moi, je l'ai déjà acheté en 2 exemplaires pour pouvoir le prêter, et ils sont pas chez moi d'ailleurs, je l'ai déjà prêté. Je compte bien l'offrir à 2-3 personnes à Noël, avec le 10 des Slits au passage, et puis le mettre en suggestion d'achat à la bibliothèque de Saint-Étienne. C'est sorti un peu avant l'été, je rappelle le titre, ça s'appelle « Deux fringues, deux musiques et deux mecs ». Et l'éditeur, c'est Buchet Chastel. Pour finir, une petite anecdote autour du livre, parce que je trouve importante, à un moment de sa vie, en fait, Vive Albertine, elle raconte que elle vient de traverser une période difficile, la fin d'une histoire amoureuse en l'occurrence, et elle décide de prendre les choses autrement, de ne pas se morfondre dans son truc, et de dire oui à toutes les opportunités qui pourront se présenter à elle. Pour le coup, quand j'ai lu ce livre, j'étais moi-même pas au top, et ça a tellement eu un écho avec ce que j'avais l'impression de vivre à ce moment-là, j'ai décidé de faire pareil. C'est pour ça que quand Sophie m'a suggéré de faire de la radio, j'ai dit oui. Donc si je suis là, en fait, eh ben, c'est aussi un peu grâce à Vive Albertine. Babylon lovers, a Babylon lovers. Oh, oh, oh, sweet love on drummers. Hey, check something, man, it's dance. C'était donc les Slits avec Love and Romance. Je vais vous parler maintenant d'un autre livre, une BD plus précisément, un roman graphique qui s'appelle Sortie de secours. Et c'est écrit et dessiné par Joyce Farmer. Pour vous situer Joyce Farmer, c'est une Américaine née en 1938 et pionnière de la BD underground aux côtés de Crumb, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est surtout le plus connu. Sortie de secours, c'est sa dernière BD en date et c'est la chronique des 4 dernières années de la vie de Rachel et Lars, ses parents. Commencée de manière complètement informelle, parce qu'elle en fait, elle documentait les instants qu'elle passait à côté de ses parents en BD, mais sans l'intention d'en faire un livre, c'est Robert Crumb justement qui l'a convaincue d'en faire un roman graphique après être tombée par hasard sur des pages chez elle. Pour le coup, la quatrième de couvre résume tellement bien le livre que je vais vous en lire un bout. Alors, c'est maintenant. Entre lucidité et compassion, mais sans pathos, Sortie de secours est le premier roman graphique qui traite de la question des anciens, de leur dépendance et de leur disparition. La chronique de Lars et Rachel est pétrie de terreur, d'humiliation et de défis propres au grand âge. Pour autant, elle n'est pas exempte d'humour, d'amour et de courage, comme la vraie vie en somme. Rien d'autre à rajouter. À mon sens, ce livre, il est d'une force phénoménale. Je l'ai découvert au hasard à la bibliothèque et j'ose plus le rendre. J'avoue que j'ai un peu de mal à trouver les mots pour dire à quel point cette BD est forte et me touche. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Pour le coup, j'ai des œuvres phares dans ma vie, des livres, des films qui m'ont vraiment bouleversé ou qui ont changé ma façon de voir les choses. Il y a par exemple « C'était la guerre des tranchées » de Tardy, une BD qui m'a convaincu qu'en cas de conflit, je serais déserteur et que je n'irais pas me battre sous un drapeau. Il y a « Rashomon » d'Akira Kurosawa qui m'a fait prendre conscience de la complexité de la vie en rapportant la même histoire vue sous 3 angles différents par 3 personnages différents. Et j'avoue que pour moi, il y aura un avant et un après Sortie de secours. Sauf qu'en fait, j'arrive pas encore bien à dire ou à mesurer l'impact que ce livre a sur moi. Ce livre, il parle de nos parents, de nos grands-parents qui vont mourir à un moment ou à un autre. De ce qu'ils font dans les dernières années de leur vie, quand ils sont à la maison tout seuls, comment ils font face aux défis du quotidien avec leur corps vieillissant. Et ce livre, il parle aussi de nous, de comment on réagit face à tout ça. Face à nos parents qui vont lentement, mais sûrement, au bout de leur vie. Chaque page et chaque détail sonne tellement vrai qu'il n'y a même pas besoin, en fait, pour moi, de parler du graphisme. Même si, bien sûr, on vivra pas la même chose qu'il y a dans la BD, c'est pas possible, c'est son histoire à elle, mais chaque situation, chaque dialogue trouve un écho en nous, enfin en moi en tout cas, mais je pense qu'en nous, en tout le monde. En lisant ce livre, on sent que de manière quasi certaine, ça va se passer à peu près comme ça. Alors bien sûr, au cours du livre, on est révolté, on est impuissant face à une fin inéluctable, mais bon, voilà, c'est la vie. C'est très difficile de parler du livre sans avoir l'impression d'enfiler des lieux communs sur la vie, la mort, etc. Mais je pense que de toute façon, il faut le lire. Et je le répète une dernière fois, ça s'appelle « Sortie de secours » de Joyce Farmer. Et c'est sorti chez Delcourt. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières,

ponctuée d'illustrations de des tampons, des photos du tampon, ou alors des photos qui n'ont aucun rapport, mais qui font sens avec la démarche de Sardon qui est expliquée justement dans les textes courts de manière chronologique. Le livre, en fait, il permet de faire connaissance avec l'univers de Sardon et avec ce qu'il a dans sa tête, quoi. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes de visite qui ont cette classe. C'est sûr que Sardon, il respire pas la joie de vivre. Il évoque régulièrement dans les textes du livre sa haine du genre humain, sa prise régulière de médicaments qui l'aide à tenir tous les jours. Mais bon, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est justement ce mélange qui a donné naissance au tampographe. Moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça drôle, provocateur, un peu désespéré, mais toujours inventif, beau et super enthousiasmant. J'avoue en plus partager son humour noir et je me suis jamais vraiment remis de ses safaris de collier de barbe qui consistent à aller prendre en photo des personnes avec un collier de barbe, cette expression ultime du bon goût, dans des salons de la poésie. Ou alors quand il va au cimetière du Père Lachaise pour essayer de trouver des noms rigolos sur les tombes. J'avoue avoir fait la même chose au cimetière du Crédroc. Alors bien sûr, je sais pas si j'ai bien réussi à vous le vendre. De toute façon, c'est difficile de parler d'un livre qui est très très très visuel, quoi. Mais bon, ce livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Et je peux pas m'empêcher de vous dire que vous pouvez acheter ces tampons sur Internet. Vous tapez Tampographe Sardon dans Google ou directement à son atelier à Paris, rue du Repos. Et si j'ai voulu parler de ce livre aujourd'hui, en fait, c'est parce que, bon, c'est un, parce que je trouve qu'il est exceptionnel, je me répète un peu, mais deux, c'est parce que ce week-end, je vais à Paris et que je vais sûrement aller m'acheter des tampons et rencontrer pour de vrai Vincent Sardon, et que je suis excité. Donc, si vous voulez, écrivez à Radio Audio, vous mettez émission qui veut quoi dans le sujet, et je vous répondrai à la main une belle lettre écrite avec ma plus belle écriture. Et pour le coup, je la signerai avec un beau tampon de Sardon. Et ce sera encore une autre façon de découvrir son travail. Voilà, c'est bientôt la fin de l'émission. J'ai un petit peu rattrapé le retard que Papillon m'a fait prendre. Mais en même temps, ils sont tellement bons que je ne peux pas m'empêcher de leur dire oui quand ils me demandent s'ils peuvent dépasser. Donc, je vous rappelle les trois livres dont j'ai parlé aujourd'hui. De fringues, de musique et de mecs de Vive Albertine chez Buchet Chastel. Pour ceux qui vont le lire et qui auront aimé, elle vient de sortir un nouveau livre lundi, en anglais. Pas encore traduit et je sais même pas s'il est bien, mais bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Le deuxième, c'était Sortie de secours de Joyce Farmer chez Delcourt. Et le dernier, c'est le tampographe de Sardon à l'association. Deux, trois mots sur des livres qui sont apparus sur mon radar et que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais dont j'avais envie de vous parler. La deux semaines, j'avais parlé de François Bourgeon, et ben apparemment, la suite des Passages et du Vent s'annonce d'ici bientôt, vu que vient de sortir en librairie une prépublication en noir et blanc du prochain tome. J'ai également découvert qu'il y avait un livre sur les crados, ces cartes pour enfants qui avaient fait scandale en leur temps, et pour finir, on m'a dit le plus grand bien d'une BD qui s'appelle Beverly, chez Presque Lune, et je dis pas l'auteur parce que c'est impossible à dire. Je vais finir mon émission comme Papillon pour vous rappeler l'Adiophonie numéro 2, organisée par Radio Dio ce week-end d'ailleurs, ça minore. Il n'y aura pas de livre, moi j'y serai pas, parce que comme je vous l'ai dit, je vais rencontrer Sardon. Enfin, j'y vais aussi pour d'autres trucs, mais j'y vais aussi le voir. Donc il n'y aura pas de livre, mais il y aura de la musique, des animateurs de Radio Dio, et il paraît même qu'il y aura de la soupe. À dans deux semaines donc, et merci.